chanter pour toi la plus jolie chanson. À l'air ouvert le jour, il est faux que mon refrain te donne de l'impression. Si tu levais ma voix, fera jaillir les ovées dans mon cœur et l'or. Cette nuit, mon amour. Je chante l'azur, la mer sous le beau ciel pur, les jardins, les bois, les prés, les couches de soleil pourpré. Parfois je chante de cœur, parfois célèbre de fleurs, des œillets de lys, des roses, j'ai chanté de ta amour, je veux chanter pour toi la plus jolie chanson. À l'heure où meurt le jour, il est faux que mon refrain te donne de si tu levais ma voix, fera jaillir les hommes.